rapide, concrète et immédiate. Mais je voulais dire ça pour ne pas avoir l'air de m'enfuir, alors que je trouve qu'il faut faire quelque chose. Voilà. Bien. Bonne. Merci pour tout et bonne suite des échanges entre vous. Merci. Peut-être même que de la session des violences au poster. Quelque part, je ne sais pas comment articuler ça, mais l'agenda ou quoi, ce serait peut-être de manifester que ce moment a lieu et qu'il ne se limite pas à cet après-midi, enfin le moment qu'on vient de vivre, qu'on est en train de vivre. Parce que, enfin, je ne sais pas, je me dis, évidemment, il ne s'agit pas de dire, de crier sur tous les toits que... Enfin, ça paraît bizarre, disons, de crier sur tous les toits, je ne sais pas exactement ça, mais que là... il y a eu rencontre entre différents collectifs et qu'on a rebranché avec une histoire qui va au-delà, disons, de, je sais pas, du temps présent ou des 5 dernières années, parce que là, il s'agit quand même de choses qui sont passées il y a, je sais pas, 15 ans. Enfin, mais en même temps, je me dis, enfin, je pense, ne serait-ce qu'en termes de répression policière, mais en même temps, bon... La réunion est quand même à l'ULB, donc je pense pas qu'il y ait de policiers parmi nous, mais c'est plus... bon, il s'agit pas de tenir... Enfin, il faudrait se demander, quoi, est-ce qu'il s'agit de tenir ça au secret ou trouver quelque chose, parce que... après, je suis pas belge et j'ai une appréhension... bon, un peu, mais j'ai une appréhension assez limitée, quoi, de je sais pas, l'historicité de toutes les luttes de sans-papiers, même si là c'était chouette en fait de faire ce retour. Mais je sais pas, c'est bon, l'idée d'une brochure, de toute façon c'est aussi l'idée de quelque chose de plus abouti, et il s'agit pas forcément d'inviter entre guillemets n'importe qui à discuter avec nous, mais je pense que c'est une question qu'il faudrait pouvoir poser à un moment, en fait, de bon, bah comment on s'adresse pas comment on s'adresse à la sensibilité antiraciste dont tu parlais, qui a pas forcément complètement disparu, même si on peut avoir l'impression d'années de dépolitisation depuis les années 90. Enfin, bon, je sais pas si c'est ça comme ça. Mais... En tout cas, il y a quelque chose auquel on s'arrêtait, qui nécessitera une prochaine rencontre, je sais pas trop sous quel mode, mais en tout cas, il y a les emails de tous, c'est que la question de l'actualité politique de cette lutte-là, on l'a pas du tout abordée encore. Il y avait des gens qui, ils ont dû partir, donc ils sont tout à fait prêts à revenir, qui ont accompagné la marche avec les sans-papiers et les gens de Getting the Voice. Je pense que c'est deux actions très importantes, donc il faut pouvoir continuer, parce que ça fait, dans notre intention, il s'agissait aussi de parler de l'actualité politique concrète de tout ça. Donc je pense que de toute façon, il y aura une seconde rencontre pour essayer d'aboutir de ce qui a lieu ici. Et il va y avoir, et moi c'est peut-être un peu là-dessus que j'aimerais bien terminer, voir comment est-ce qu'on fait en termes de traces laissées. Est-ce que là, on a de l'enregistrement sonore? Mais je sais que c'est un souci qui a eu lieu à plusieurs reprises. À un moment donné, c'est d'arriver à une forme de brochure qui puisse laisser une trace assez simple. Donc on ne va pas régler la question aujourd'hui, parce qu'il y a énormément de choses encore à faire, mais peut-être baliser une prochaine étape ensemble autour de ça, quoi. Juste avant de parler de... En fait, oui, je voulais dire en fait que j'aimais beaucoup en fait la conclusion de mademoiselle tout à l'heure sur les contradictions, en fait, nos contradictions. On a plein de contradictions, et je trouve que c'est quelque chose d'important en fait à regarder en face. En fait, c'est dans nos contradictions qu'il y a des choses à creuser, à voir, qui peuvent nous donner quelques pistes en fait de qui peuvent un petit peu nous avancer. Et je voulais réagir aussi sur très brièvement en fait sur une image que je trouve un peu, comment dire, que c'est une image d'incapacité en fait. Le fait rien ne bouge, on se radicalise encore plus. Rien ne bouge, donc ça recule, on se radicalise encore plus. Je vois, j'ai trouvé cette image, comment dire, elle exprime beaucoup d'incapacité en fait. Et elle est enfermante. Et voilà. C'est un constat. Comment faire pour sortir de ça en fait. Et sur la continuité en fait, je suis très content de cette rencontre, même si elle est insuffisante. Je crois qu'il y a quelque chose à discuter entre nous, je ne sais pas de quelle manière, c'est qu'en fait, c'est une méthodologie de travail, en fait. Est-ce la brochure, c'est une piste, mais peut-être qu'il y a d'autres idées, où il y a plus que ça, d'autres, plusieurs formes en parallèle. En tout cas, une méthodologie de travail, je ne sais pas comment, je ne vois pas clairement, je n'ai pas d'idée de proposition claire, mais on peut faire ça, je ne sais pas, par mail ou s'il faut même qu'on se voit, on peut se voir un petit moment et discuter d'une méthodologie de comment... En fait, ça mérite qu'on donne du temps et de l'énergie à continuer ce travail, en fait, et de faire le mieux que l'on puisse le faire. Peut-être qu'il y a deux choses, je pense. Déjà, un tout petit détail, mais la liste mail. S'il y a des gens qui ne l'ont pas signé, il y a une liste mail pour continuer ça. Et il y a une adresse qu'on n'arrive vraiment pas à lire. ça serait dommage que les mails n'arrivent pas à cette adresse. Je crois que c'est MVLKG. D'accord. Bon. Mais je pense que la question de la méthodologie, ça me paraît vraiment important. Et enfin, excusez-moi, ça s'en fiche. Mais mais ça pourrait donner lieu à une amorce peut-être de prochaines discussions. Bon, on dit toujours si on arrive à s'écrire, bon, peut-être que ça peut arriver. S'écrire par rapport à cette question-là, mais je sais pas. Ça pourrait donner lieu à une amorce, il y a le projet de brochure, mais je sais pas, est-ce que là, les enregistrements, ça serait opportun de les mettre en ligne, par exemple? Enfin, je sais pas ce que... Mais là, nous, ce qu'on a dit en commençant la journée, aussi ce que les gens, les uns et les autres disent, c'est que les enregistrements serviraient de matériau pour une émission radio. Donc en fait, tous les premiers mardis du mois, il y a une émission radio qui s'appelle Voix sans frontières sur Radio Panique. Ils voulaient faire une émission mardi prochain. Donc ceux qui sont ici qui ont envie de venir peuvent venir. Leur idée, c'était de faire une sorte de rétrospective sur le week-end autour de la commémoration de Semira. Et ils voulaient revenir sur ce qu'on fait ici, d'où ça vient et qu'est-ce qui s'est passé. Donc il y aura de toute façon, mardi, il y aura un mail qui sera envoyé pour les personnes qui auraient envie de venir. En tout cas, il y avait un appel à venir un peu témoigner de ce qui s'est passé ici. Et on aimerait bien, le mois qui suit, faire un peu un montage des premières interventions qui sont ici. Je ne sais pas si c'est un peu ambitieux. Donc ça, on a vu, on a beaucoup de... Enfin, je ne sais pas combien, 5 heures. 5 CD. 5 fois 80 minutes. À 5 heures. Donc, mais voilà, je crois que les mettre en ligne, ça, c'est énorme, donc, beaucoup trop tôt pour ça. C'est une méthodologie et un travail. En fait, c'est un grand chantier. J'imagine que c'est un grand chantier. C'est pas. En arrivant ici, je savais que c'est pas un truc qu'on va faire pendant 4 heures de discussion. C'est un grand chantier, je trouve. Ça va nécessiter de donner un moment de rencontre spécifiquement autour de cette méthodologie. Et peut-être ce serait bien d'essayer de voir s'il y a des personnes qui ont déjà eu un peu d'expérience là-dedans. De se donner un rendez-vous. Alors, je ne sais pas si on se donne un rendez-vous aujourd'hui, si nous on décide comme ça un peu d'une date et qu'on voit, mais je pense que ce serait nécessaire d'avoir un moment où on se donne 2 heures exclusivement sur la question de la méthodologie et d'aboutir à cette revue, enfin qu'on ait un moment vraiment sur la construction de ça ensemble. Ouais, je voulais peut-être juste donner un ressenti par rapport à cette présentation, peut-être un... Tu peux parler en face d'un... Ouais, donc peut-être juste donner un ressenti par rapport à cet après-midi, peut-être un complément pour les propositions qui sont faites pour la suite. Enfin, moi, ça part aussi de mon parcours personnel. J'ai commencé à m'intéresser, à m'impliquer, à militer avec l'Assemblée des voisins, puis j'ai rejoint un peu le CAS, et puis un peu impliqué sur le No Border aussi. Et donc j'ai souvent apparu, disparu, réapparu, disparu. Jamais été impliqué de manière longue. Permanente, je veux dire, dans un collectif de soutien. J'ai plutôt été ci et là, de temps en temps, pour certaines actions, pour certaines actions précises. Et je trouve que le travail qui est entamé ici, pour moi, est super important. Parce qu'en fait, moi, il me permet de commencer à comprendre pourquoi est-ce que j'étais parfois apparu, pourquoi est-ce que j'ai disparu. Non, mais vraiment. Et je crois que je suis pas le seul dans le cas. Je connais plein de gens qui seraient intéressés à je pense, à être ici. Qui ont participé à des actions de soutien, des actions directes, qui sont mobilisées pour l'une ou l'autre action. Alors, je ne sais pas s'il faut ouvrir trop vite. Je pense que c'est important déjà de créer un espace ici d'échange, de partage, parce qu'on sent qu'il y a du vécu, il y a du passé, il y a énormément de choses à partager. Donc je trouve ça très riche, et donc moi j'aurais envie de dire, au-delà d'une forme que pourraient prendre les choses, que ce soit sous forme d'une émission de radio, d'une brochure, je pense qu'il faut faire quand même perdurer, et que peut-être que ce ne soit pas toujours les mêmes qui le fassent, enfin qui l'organisent, je veux dire, ça pourrait être une idée, c'est de se dire, ok, ça vaut encore la peine 3-4 fois d'avoir des moments comme celui-ci à parole libre, à parole ouverte, je pense que c'est important, pour écouter des témoignages, des expériences. Voilà, ça c'était pour mon ressenti, mais donc je pense que c'est vraiment important ce qui est en train d'être fait là. Et voilà, ça permet de mieux comprendre parfois son parcours, sa trajectoire personnelle au sein de cette lutte-là aussi. Après, je voulais juste faire un petit complément et peut-être un parallèle, mais sur une lutte qui est beaucoup plus courte. J'ai été très peu permanent dans des luttes liées aux sans-papiers. Par contre, je suis plus permanent depuis un bout de temps, c'est dans la lutte par rapport aux OGM et au procès des patatistes, si vous en avez touché un mot dans le papier. Le procès sera rendu mardi. Et effectivement, je crois que ça vaudrait la peine à un moment, je sais pas quand, surtout qu'on n'est pas sûr qu'il n'y aura pas inculpation pour bande de malfaiteurs mardi, mais je pense qu'il serait intéressant aussi peut-être de pouvoir confronter les expériences, voilà, que ce soit avec l'affaire Barre ou avec quelques autres qui sont quand même très très liées. C'est vrai que certaines personnes sont parfois liées à plusieurs de ces luttes-là. Voilà, parce que je pense qu'il y a eu des moments politiques qui ont été parfois mieux appréhendés, parfois moins bien appréhendés par les collectifs, par la différence des luttes que c'était. Alors là, clairement, les OGM, c'est pas une lutte sociale, parce que finalement, on lutte pas directement pour des humains comme nous, pas directement, je dis. Voilà, c'est une lutte beaucoup plus écologique, radicale, entre guillemets. Mais malgré tout, je pense que ça serait riche de prévoir, à un moment donné, dans ces rencontres aussi, de permettre aussi de voir qu'est-ce qui a émaillé ces luttes, parce que, par exemple, la lutte contre les OGM, elle ne date pas seulement de Wetteren, elle date d'il y a 10 ans, où il y a eu les premières actions de destruction de fermes de Monsanto en Belgique. Et donc je pense que là aussi, il y a un manque de transmission, donc ça se remarque dans d'autres luttes aussi. Et alors, sur l'idée d'un comité de soutien, des comités de soutien, ça paraît con, ça fait rire tout le monde, mais c'est quand même un truc qui a été plein de fois discuté, que ça soit par rapport aux actions par rapport à la STIB, que ça soit par rapport à... Et peut-être que ce comité de soutien ou ce groupe de soutien, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, pourrait être beaucoup plus large et pas propre à une seule lutte, entre guillemets, puisqu'il permettrait, je crois que c'est toi qui l'as dit, Yuri, à un moment donné, de repasser par un autre... de reprendre un espèce de recul pour essayer de repasser par autre chose, afin de prendre le propre recul par rapport à ce dont on est plongé soi-même. Voilà, et alors je pense aussi, en tout cas, s'il y a l'envie... en termes de captation de mémoire, même si l'affaire ne dure que depuis... Alors 2 ans depuis l'action et 1 an depuis la préparation de l'action de destruction du champ de patates à Wetteren, pour y être impliqué, je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont été mises en place au niveau de la mémoire collective du groupe, avec une question qui s'est toujours posée, qui n'a pas été résolue et dont on n'a pas abordé aujourd'hui, pourtant elle me paraît aussi importante, c'est la place... que tous nos collectifs ont pris ou se sont positionnés par rapport aux associations institutionnelles et subventionnées par l'État, où d'un jour à l'autre, elles jouent à ceux qui soutiennent, le jour au lendemain à la langue de bois et le jour au lendemain à la récupération. Et je trouve que ça serait intéressant d'analyser ça aussi dans les différentes luttes, parce que ça a des moments cruciaux aussi parfois pour soit de se sentir seul, soit de se sentir... récupérer. Et donc je pense que ça serait intéressant de se poser cette question là aussi, parce qu'elle émaille quand même toutes les histoires de lutte, c'est quel dialogue ou non dialogue, quel positionnement prendre par rapport à la société civile et dite institutionnalisée ou institutionnalisée. Voilà. Voilà, moi j'ai l'impression qu'on va pouvoir clôturer, ceci à vraiment quelqu'un qui a aussi quelque chose qui n'a pas été dit pour la suite, mais j'ai l'impression qu'on a tout entendu, il va falloir bricoler. Moi, je tiens à votre rendez-vous sur la méthodologie, c'est quelque chose qu'il va falloir faire. Voilà. Mais un rendez-vous qui sera forcément par février, de l'année. Attendez, là, vous n'avez pas écouté. Si on n'avait pas un rendez-vous pour la méthodologie, c'est-à-dire qu'on va vous faire écouter. Là. Il vient de dire qu'il serait bien qu'on fasse 3, 4, 5 rendez-vous pour reparler des témoignages. Tu viens de dire ça ou tu viens de... Ouais, mais ça n'empêche pas que de toute façon, c'est justement ça, j'ai trop d'agenda maintenant et c'est les dates. Enfin, la méthode de j'ai l'impression qu'il était dans le grand. Voilà. Merci à vous. Ouais, on fait 500 euros pour les boissons et autres sandwichs. Le chapeau est toujours là. À trois, ouais.